Vacarme avec le Montreux Comédie Festival du 28 novembre au 3 décembre. Passez un très bel après-midi. Sur la première, c'est l'heure d'Histoire vivante. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Je crois que la Chine a désormais les moyens d'acheter le monde. C'est aussi simple que ça. Cette semaine, la Chine. Et de la même façon, vous avez l'invention d'un slogan par l'équipe dirigeante précédente, actuelle de Xi Jinping. Donc vous avez l'équipe de Hu Jintao, avant 2012, qui a inventé ce slogan de société socialiste d'harmonie. De Confucius au nouveau maître. C'est un certain Zhu Xi qu'on a souvent comparé à une sorte de Thomas d'Aquin chinois, enfin, qui a décidé qu'un certain nombre de textes courts, dont les entretiens de Confucius, entreraient dans le corpus des écritures canoniques confucéennes. Culture. 1400 morts, 10 000 blessés. Ce matin, la place Tiananmen, longtemps scène d'un drame pour la démocratie sous les yeux du monde entier, s'est réveillée, nettoyée par l'armée. Et politique. An Cheng, deuxième temps de cette semaine où nous vous retrouvons au Collège de France, où vous nous recevez. On vous remercie, d'autant plus que là nous nous trouvons à quelques encablures extrêmement courtes de votre prochain cours. Donc le temps vous est compté, les minutes vous sont comptées, donc on va pas traîner, on va faire le plus vite possible, mais on vous remercie. Je donne à ceux qui n'ont pas encore regardé le site du Collège de France pour découvrir votre travail passionnant. Les cycles de vos cours Confucius revisité, le confucianisme est-il un humanisme ? Humanisme et ritualisme en Chine ancienne et contemporaine, universalité, mondialité et cosmopolitisme, Chine, Japon, Inde, parce qu'à un moment vous avez envie de parler pas exclusivement de la Chine, et ça c'est la dernière année de ce cycle. On va commencer par de l'histoire, c'est ce que je disais hier en fin d'émission. 4 mai 1919, les étudiants à Pékin s'échauffent. De quoi est-il question ? Alors, ce mouvement du 4 mai 1919, en réalité, c'est un moment phare qui vient, en point d'orgue à quelque chose, un processus qui s'est mis en marche depuis un certain temps à ce moment-là. On pourrait dire depuis la fin du 19e siècle, où la Chine, qui est une Chine non pas exactement chinoise, mais une Chine manchoue, cette dernière dynastie impériale, donc manchoue, est vraiment dans des circonstances extrêmement difficiles, étant donné que depuis les guerres de l'opium, les années 1840-1860, les puissances européennes auxquelles vient s'adjoindre assez rapidement le Japon, attaquent donc physiquement le territoire chinois et commence à se tailler enfin des croupières, si j'ose dire, enfin sur les zones côtières, se font donner des concessions portuaires, etc. Donc la Chine commence à connaître un début de démembrement en quelque sorte. Et devant cette situation critique et devant également la montée en puissance du Japon à l'époque, le Japon de l'ère Meiji, donc à partir des années 1860 précisément, 1860. Le Japon qui, à marche forcée, se lance dans un processus de modernisation à tout crin et réussit, puisqu'il bat successivement les troupes impériales chinoises. Alors ça, c'est vraiment une date aussi importante dans l'histoire chinoise, la première humiliation de la Chine devant un pays qui a toujours été considéré comme un vassal. Ensuite, le Japon, peu d'années après, bat également la Russie. Et ça, c'est aussi un haut fait qui a marqué les esprits à l'époque, puisque c'est la première fois qu'un pays asiatique est vainqueur d'une puissance européenne, et non pas des moindres. Bon, donc ce Japon qui est en pleine montée en puissance, qui est en train de se construire véritablement comme un État-nation moderne à l'occidental, devient une sorte de modèle pour tous les pays d'Asie et la Chine en particulier. Et ce qui donne justement cette première tentative de réforme du régime politique en 1898, donc nous sommes à la toute fin du 19e siècle, menée par un groupe de lettrés confucéens bontains, donc réforme politique qui échoue lamentablement. Donc il y a une reprise en main de la fameuse impératrice douairière Cixi, et donc cet échec de 1898, qui intervient 30 ans après, donc une génération après donc le début de l'ère Meiji au Japon, marque justement en fait ce début de distinction entre le Japon et la Chine. C'est-à-dire le Japon continue sa montée en puissance jusqu'à aboutir bien sûr à cette militarisation qu'on connaît bien au XXe siècle, qui a conduit le Japon à occuper une grande partie de l'Asie pendant le deuxième conflit mondial, et la Chine qui, elle, sombre dans un XXe siècle qui n'est qu'une succession d'événements violents et traumatisants, donc une succession de révolutions, de guerres civiles, voilà, enfin, donc vous prenez des dates à intervalle d'une trentaine d'années, et vous avez chaque fois une révolution, une guerre, une révolution, une guerre, enfin. Et donc 1919, c'est donc un moment marquant de la volonté de modernisation de cette Chine jeune. Déjà, les étudiants de Pékin qui descendent sur la place Tiananmen pour protester contre les traités inégaux qui viennent d'être signés à Versailles. Alors Versailles, de manière totalement paradoxale pour ces jeunes intellectuels chinois, offre des concessions aux puissances perdantes comme le Japon et l'Allemagne, des concessions en Chine qui pourtant est du côté des gagnants. Donc là, évidemment, il y a de quoi mal le prendre. Mais alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que en même temps, ces étudiants réclame donc une modernisation de la Chine qu'il rend équivalent d'une occidentalisation, c'est-à-dire dans leur esprit, modernisation égale occidentalisation, au nom donc de ce qu'ils considèrent comme les facteurs de la suprématie occidentale, c'est-à-dire la science et la démocratie. Qu'ils en arrivent même à personnifier. Enfin, ils l'appellent Monsieur Démocratie, Monsieur Science et Monsieur Démocratie. Donc scientisme plutôt que oui, c'est scientifique. Science. Oui, c'est science plutôt au singulier qu'au pluriel. Ouais. Enfin, ouais. Donc pour ces étudiants, sans justement ces deux choses, donc la dimension rationaliste et la dimension démocratique, pas de modernité possible pour la Chine. Et le revers de la médaille, c'est que il faut impérativement se débarrasser de tout l'héritage traditionnel qui, dans leur esprit, équivaut à toute la culture confucéenne et la société produite justement par cette idéologie confucéenne. Donc ils ont tendance à jeter le bébé Confucius avec l'eau du bain. Et donc un des slogans marquants de ce mouvement, c'est précisément « Abat Confucius et sa boutique ». Un slogan qu'on va réentendre des décennies plus tard. 30 ans plus tard. C'est plutôt en fait pendant la Révolution culturelle, donc c'est largement plus tard. Mais enfin, c'est quand même frappant de voir un petit peu justement les échos du mouvement du 4 mai 1919 repris pendant la Révolution culturelle, même si la Révolution culturelle n'est pas de même nature. Mais enfin, il y a cet écho qui résonne, c'est-à-dire cette idée qu'il faut impérativement se débarrasser de la vieille société, c'est-à-dire confucéenne, pour accéder justement à une certaine forme de modernité. Cette orientation ne va faire que s'accentuer après les victoires des communistes sur les nationalistes, mm-hmm. le groupe Mao, pour l'appeler de manière simple et directe, vainqueur par KO sur Chiang Kai-shek, et du coup une accentuation qui va trouver son paroxysme pendant la révolution culturelle de 66, où là le confucianisme est réduit à cendres. Oui, entre 66 et 76, puisque officiellement cette révolution culturelle a duré 10 ans, elle prend fin officiellement donc avec la mort de Mao en 76. Donc elle, évidemment, je crois qu'on tout le monde a bien vu que Mao a lancé ce mouvement pour en réalité se débarrasser de ses adversaires gênants, y compris donc de celui qu'il avait lui-même désigné comme son dauphin, comme son successeur. La révolution culturelle connaît un paroxysme avec la campagne Peeling Pekong, c'est-à-dire donc une campagne de critique contre Lin, c'est-à-dire Lin Biao, le dauphin désigné de Mao, mais que Mao avait entre-temps décidé d'éliminer. Et Krong, c'est-à-dire Maître Krong, Confucius. L'idée d'associer Lin Biao avec Confucius, c'était de dire que Lin Biao appartenait justement à cette époque révolue d'un féodalisme esclavagiste, etc. Enfin, donc le mettre dans le même sac que Confucius, c'était une façon de l'éliminer à coup sûr. Et la révolution culturelle, au fond, a servi également à finir de démolir ce qui restait à démolir. En réalité, il ne restait pas grand-chose. Démolition physique, notamment. Physique aussi, oui, oui. Donc, on a bien sûr, sur tous les sites confucéens qui maintenant sont revenus en force au devant de la scène, on a quand même détruit énormément. Les stèles que vous voyez actuellement sur le lieu de naissance de Confucius, certaines portent les traces justement d'une cassure. Hein. Donc, on a fait ce travail de façon assez systématique et on a détruit également des vies. Des vies humaines, physiquement, beaucoup de gens sont morts pendant la révolution culturelle, mais aussi psychiquement. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont restés marqués à vie par les humiliations subies pendant ce mouvement, notamment les intellectuels, bien sûr. An Cheng, vous prenez bien soin de rappeler à vos audiences qu'il ne s'agit pas de parler d'une Chine, mais des multiples Chines, tant le pays, les régions, les populations sont vastes et diverses. Précisément, cette attaque, ce front anti-Confucius, résonne-t-il de la même manière dans les différentes parties de la Chine, selon que l'on soit en ville, en campagne, au sud, au nord, à l'est, à l'ouest, que sais-je? Non, bien sûr, quand on voyage un petit peu en Chine, dans les régions un petit peu plus reculées, les effets de la révolution culturelle ont été bien moindres. Enfin, les bagarres se sont déroulées essentiellement dans les grands centres urbains. Et aussi, enfin, dans les endroits où il y avait justement le plus d'intellectuels et de choses à détruire. Mais dans les campagnes, je fais allusion ici à quelque chose que mon mari m'a raconté, puisque mon mari a connu la révolution culturelle en tant qu'adolescent. À l'époque, il était à Shanghai, il a pas pu du tout suivre de scolarité puisque les écoles étaient entièrement fermées. Son frère aîné a été envoyé à la campagne, c'est-à-dire des milliers de kilomètres dans une des régions les plus déshéritées de la Chine, qui se trouve être ma province ancestrale, mais enfin. Là, il a perdu sa santé. De fait, il est mort peu de temps après. Donc, mon mari me disait que. À l'époque, il allait assez souvent justement voir ses grands-parents en dehors de Shanghai, donc légèrement à l'abri justement de toute l'agitation qu'il y avait en ville. Mais quand même, ses grands-parents ont perdu quand même pas mal d'objets qu'ils avaient gardés, enfin pas des objets d'une très très grande valeur, mais enfin de la vaisselle par exemple qui datait quand même du 19e siècle, qui s'était transmise d'une génération à l'autre, qui a été détruite, enfin du mobilier aussi, enfin tout ce qui pouvait rappeler la vieille société, tout ça a été détruit ou envoyé au feu. Et mon mari me racontait aussi quelque chose d'assez poignant, c'est que son propre père, donc mon beau-père, était éditeur. Alors vous imaginez un peu le métier idéal qu'il fallait avoir à cette époque. Et du coup, il y a eu plusieurs descentes des gardes rouges donc chez eux, à leur domicile. mon beau-père a été contraint de volontairement d'emporter enfin des kilos de livres au feu. Parce que à l'époque, il y avait des grands autodafés. C'était vraiment une atmosphère à la Fahrenheit 451. C'est vraiment ça. Et mon mari me disait que il aidait son père à transporter ses paquets de livres sur leur bicyclette. Et il essayait encore. Tout en courant derrière le vélo, de lire encore ce qu'il pouvait avant que tous ces livres partent au feu. Enfin, ça pouvait être des collections entières de littérature française traduite en chinois, ou de littérature russe traduite en chinois. Enfin, pas des choses vraiment très, très anciennes, mais tout ça devait partir au feu. Donc, qu'on n'essaye pas maintenant de venir me parler d'une jolie Chine où il y aurait que des jolies peintures et des jolis bambous, quoi. Cette Chine contemporaine est une Chine, pas simplement contemporaine. Enfin, la Chine, comme toute grande puissance, est une entité fondamentalement violente. Hein. Histoire vivante, suite de l'entretien avec Anne Cheng, professeure au Collège de France et titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine. Alors, là, on est dans un épisode où de Confucius, il n'est plus question, il n'est plus trace, tout est parti sous la masse ou dans les incendies. Il va donc y avoir une période de purgatoire plus ou moins prolongée, et puis un retour. Celui-ci est-il spectaculaire, est-il progressif, Anne Cheng? En réalité, la période de purgatoire n'est pas si prolongée que ça. Le processus de... Enfin, si on veut résumer un peu les choses, le processus de destruction de l'héritage confucéen, on peut dire qu'il a duré à peu près un siècle. Parce que il a commencé bien avant l'arrivée des communistes, avec ce processus de sécularisation qui commence dès le début du XXe siècle. Au nom justement de la modernité, on ferme des temples, on les laïcise, on les transforme en écoles, on les transforme en lieux publics. Donc ça, c'est quelque chose qui commence déjà au début du XXe siècle. Et ensuite, évidemment, on a parlé tout à l'heure du 4 mai 1919, donc ça c'est vraiment un moment fort où là il y a une sorte de prise de parole publique, enfin sur justement la nécessité de se défaire de tout cet héritage. Et puis ensuite arrive bien sûr toute la succession des conflits, la guerre sino-japonaise, la guerre civile, etc., la prise du pouvoir par les communistes, et la révolution culturelle qui vraiment achève donc ce travail de destruction. La révolution culturelle se termine officiellement en 76. Et alors, ce qui est tout à fait frappant, c'est que pendant ce temps-là, on peut dire que le confucianisme, ou ce qu'on appelait à l'époque les valeurs confucéennes, dans le sillage des valeurs asiatiques, commence à se former sur la périphérie de l'Empire. Enfin, quand je dis l'Empire, je dis toujours c'est un petit peu dans le sens de la guerre des étoiles. Enfin, donc, à la périphérie de la Chine proprement dite. Parce que exil et puis recomposition à l'extérieur. C'est pas tout à fait ça. En réalité, vous avez le retour d'un Confucius Economicus à la périphérie donc de la Chine, qui commence à se dessiner à la toute fin des années 70, début des années 80, où vous avez cet essor économique absolument spectaculaire de ce qu'on appelait à l'époque les quatre petits dragons, à savoir donc la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong et Singapour. Donc sur ces quatre territoires, donc on remarquera que il y en a au moins trois qui sont occupés majoritairement par des populations chinoises, enfin de descendance chinoise. Et donc les observateurs, notamment les observateurs étrangers, ont vite fait de plaquer une explication culturaliste sur cet essor économique en disant il doit y avoir un modèle un peu weberien pour expliquer ce décollage tout à fait spectaculaire. Et donc on nous explique que c'est parce que les Asiatiques ont le sens du travail, de la discipline, de l'économie, de l'épargne, etc. Enfin bon, ce qu'on appelait à l'époque les valeurs asiatiques et qui deviennent donc dans le contexte chinois les valeurs confucéennes. C'est à l'époque que Lee Kuan Yew, qui s'est pas fait remarquer pour son esprit démocratique, fait revenir en Chine, à Singapour, donc une certaine culture confucéenne, donc de l'autorité, de la soumission à l'autorité, le sens de la famille, etc., etc., en contexte singapourien. Et c'est à partir de là, donc de cette périphérie, que c'est tout ce discours sur les valeurs confucéennes gagne le cœur de l'Empire, qui lui est pendant ce temps-là occupé à se débarrasser de l'héritage maoïste. Voilà, je pense que c'est là que qu'on peut situer ce retour de Confucius. Et ce que vous appelez purgatoire, en réalité, ne dure pas extrêmement longtemps, étant donné que dès le début des années 80, en 1984, je crois, vous avez une première fondation Confucius qui est établie à Pékin sous l'égide des plus hautes autorités du Parti communiste chinois. Donc, vous voyez, entre 76 et 84, il s'est passé juste quelques années les valeurs confucéennes ont au fait de venir remplir un vide idéologique laissé par la fin et l'échec de la révolution culturelle. Pardon pour la question qui va suivre, mais vous en saisirez évidemment la dimension. Est-ce qu'on a remplacé sur l'étagère de la bibliothèque le petit livre rouge par les entretiens? D'une certaine manière, est-ce que, n'ayant plus foi dans le mode d'emploi précédent, on choisit de changer d'éditeur, si j'ose dire? Non, ça n'a pas remplacé, mais c'est côte à côte. C'est côte à côte. C'est côte à côte, parce que justement, je me souviens d'avoir projeté cette photo que j'ai prise moi-même d'un petit livret qu'on peut mettre dans sa poche de chemise, donc de petite dimension, un petit livret qui vous énonce les règles principales pour être un bon membre du Parti communiste chinois, donc un petit livret rouge avec la faucille et le marteau. Et de la même dimension, vous avez une édition abrégée des Entretiens de Confucius, exactement de la même dimension. Et je me souviens que quand j'ai acheté cette petite édition abrégée des Entretiens de Confucius, le libraire en Chine m'a dit en plaisantant « c'est le nouveau classique ». Donc, parce que je lui ai dit, je suis en train d'acheter un classique, et il m'a dit en plaisantant comme ça, effectivement, c'est le nouveau classique, parce qu'il avait les deux choses sur le comptoir, côte à côte. Et donc, pourtant, ce qui est assez curieux, mais on aura l'occasion d'en reparler dans l'émission de demain, c'est que vous le rappelez, il y a au départ, dans la tradition Confucius, beaucoup plus une relation orale, alors que là, à l'évidence, on se réfère, peut-être pas uniquement, mais grandement à l'écrit. Est-ce que là, on peut entrouvrir l'idée d'une certaine forme de déformation, si j'ose dire, par rapport au Confucius initial ? Sachant que le Confucius en question, vous le remettez même en question, puisque il est possible qu'il soit aussi une construction d'une certaine dynastie. Donc on ne sait plus exactement vers quoi se tourner. Oui, en réalité, Confucius, c'est une éternelle construction et reconstruction. Dès l'époque des Han, au moment où on le met sur un piédestal, c'est-à-dire on le distingue par rapport aux autres maîtres de sagesse et aux autres maîtres à penser qui ont proliféré pendant la période pré-impériale, donc pendant les 4e, 3e siècle avant l'ère chrétienne. Oui, il y a de la concurrence. Donc il y a de la concurrence. Alors pourquoi lui ? Enfin bon, alors là, on a déjà une forme de construction, d'invention d'un personnage qu'on monte en épingle. Bon, maintenant, on sait que Confucius, comme tous les autres maître de spiritualité des civilisations du monde, si on pense au Christ, à Socrate, au Bouddha, etc., ce sont tous des gens qui n'ont rien écrit. Ça, c'est un fait avéré. Ils n'ont pas laissé d'écrit. Ils ont marqué par une parole, apparemment. Ils ont marqué les esprits par une parole. Alors maintenant, savoir si les entretiens de Confucius portent véritablement la parole de Confucius, c'est exactement le même problème que de savoir si les évangiles portent véritablement la parole du Christ, puisque bon, déjà les évangiles ils existent en quatre versions différentes, donc qu'est-ce que ces maîtres ont vraiment dit, ça c'est la question. Et comment reste entière, car la voix, et vous y êtes attentive, la voix, la sonorité, le timbre, quel est-il? Exactement. Oui. Donc là, en effet, il y a une forte dimension d'oralité qui a été ensuite recouverte par l'idée que la Chine est une civilisation du livre. En fait, on s'aperçoit que la dimension orale se perpétue jusqu'à une époque assez récente, au fond. Vous avez, par exemple, les maîtres bouddhistes qui s'expriment, par exemple, ceux du Chan, qu'on prononce Zen en japonais, donc sont des gens qui ne font que s'exprimer par oral. Ils n'écrivent pas parce que justement ils ne veulent pas laisser de traces durables. Donc, On est obligé de se quitter pour aujourd'hui, mais nous nous retrouverons demain et on aura l'occasion de poursuivre cet entretien et de parler, vous y tenez et moi également, de la collection dont vous vous occupez aux Belles Lettres, Bibliothèque Chinoise. On en parle demain. À demain. À demain. Demain donc, la suite de cet entretien auprès d'Han Cheng, professeur au Collège de France, titulaire de la chaire Histoire intellectuelle de la Chine, cette semaine est mise en onde par Thierry Châtel. Thank you. Histoire vivante, une émission proposée par Jean Leclerc, ainsi que l'unité documentaire TV de la RTS et le journal La Liberté. Avec aujourd'hui la collaboration de Thierry Châtel, Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez La Première et il est 14h.